Le 14 août 1971, 9 étudiants, tous volontaires, étaient interpellés à leur domicile par la police de Palo Alto, en Californie, pour être jetés dans une prison reconstituée au sein de l'université de Stanford et se prêter pendant 2 semaines à une expérience avec 9 autres étudiants qui endossaient le rôle des gardiens sous la tutelle du professeur Philippe Zimbardo. Suite à des dérives violentes, l'expérience fut interrompue au bout de 6 jours. Pour Zimbardo, la preuve était établie que c'est bien la prison qui crée l'oppression et la violence. Mais en 47 ans, l'expérience de Stanford a été vivement critiquée jusqu'à aujourd'hui dans une nouvelle enquête. Expérience de Stanford, sommes-nous tous des bourreaux en puissance? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour replonger dans cette expérience de psychologie sociale ô combien contestée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibault Le Texier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales associé au groupe de recherche en économie et gestion à l'université de Nice Sophia Antipolis. Vous êtes surtout et également l'auteur de Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford aux éditions La Découverte dans la collection Zone. Bonjour Laurent Begg. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Pierre Mendès France à Grenoble-Alpes et directeur de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours sur les ondes de France Culture et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, il y a 2 grandes expériences de psychologie sociale qui ont marqué, on va dire, la psyché populaire. Il y a l'expérience de Milgram d'une part et celle de Stanford de l'autre. Pourquoi ces expériences nous marquent-elles toutes et tous collectivement plus d'un demi-siècle et demi après, selon vous, Thibault Le Texier? Ce sont des expériences très spectaculaires, avec beaucoup de violence, avec de l'agressivité et avec des résultats qui sont assez choquants, puisque les 2 expériences démontrent que n'importe qui potentiellement peut devenir un tortionnaire. Donc dans l'expérience de Milgram, il y a les 2/3 des participants qui sont allés jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire jusqu'à infliger potentiellement la mort à un autre volontaire qui était en fait un acteur qui était le complice des expérimentateurs. Et dans l'expérience de Stanford, on a vu des gardiens se comporter en véritables nazis, quoi, et infliger des pompes, infliger des réveiller des prisonniers en pleine nuit, les déshabiller, les faire dormir avec des chaînes aux pieds dans des conditions assez atroces en fait. Laurent Begg, c'est ce miroir anxiogène, ce miroir en noir, en sombre de nous, qui a fait finalement la popularité de ces expériences de psychologie sociale. Alors pas seulement, bien sûr, il y a ce côté spectaculaire, puisqu'on semble révéler des vérités anthropologiques au laboratoire, donc ça surprend, ça étonne, et je crois que les chercheurs eux-mêmes ont bien contribué, et Thibault Le Texier l'a bien montré dans son ouvrage, à marketer, à usiner, à faire connaître leurs travaux, mais aussi il y avait une sorte d'appétence pour une certaine vision situationniste, environnementaliste, qui justement avait un certain succès donc dans les années 70, et donc a permis à une discipline, la psychologie sociale, de se positionner par rapport à d'autres épistémologies, d'affirmer une identité distincte, et à ce titre-là, effectivement, de surprendre certainement et de stimuler la réflexion, naturellement. Par ailleurs, ces 2 expériences ont un point commun, outre le fait d'être très spectaculaires, ce qui n'est pas a priori la vocation première d'une expérimentation, qu'elle soit de psychologie sociale ou de quelque domaine scientifique que ce soit, elles ont toutes les 2 été également très vivement contestées. Oui, tout à fait. Elles ont été contestées parce que elles étaient très violentes. Donc, on a reproché à Milgram et Zimbardo d'avoir fait souffrir les volontaires qu'ils avaient recrutés. Donc, ça, il y a l'Association américaine de psychologie qui a un guide éthique des expériences qui a resserré les conditions dans lesquelles on pouvait mener des expériences avec des sujets humains à la suite de ces expériences. Et elles ont été contestées aussi par rapport au protocole, où des gens disaient c'est pas réaliste comme situation. Par exemple, pour l'expérience de 1000 grammes, des gens disaient mais les les participants n'ont pas pu croire qu'ils infligeaient la mort, il y avait trop d'incohérences. Pourquoi un volontaire qui disait qu'il avait des problèmes cardiaques acceptait de recevoir des chocs électriques? Pourquoi l'expérimentateur était indifférent à la douleur de l'élève qui recevait les chocs électriques, et ainsi de suite? Il y avait tout un ensemble de paramètres comme ça qui pouvaient paraître surprenants. Et dans l'expérience de Zimbardo aussi, les résultats étaient très, très, très, très, très, très forts, très extrêmes. Et donc les psychologues ont dit que c'est quand même étrange d'avoir des résultats aussi prononcés. D'autres ont tout de suite vu que les gardiens, donc c'était la thèse principale, c'était que les gardiens devenaient des tortionnaires. Des scientifiques ont très vite dénoncé le fait que tous les gardiens n'avaient pas été violents, que certains avaient même été plutôt complices des prisonniers, leur avaient glissé des choses en douce, et que donc on pouvait dire rigoureusement que seul un tiers des gardiens avaient été violents, donc que ça au contraire prouvait la capacité de l'individu à résister à la situation et à la pression pour devenir violent. Donc après il y a eu des critiques aussi sur le protocole. Mais on reviendra sur les critiques plus précisément et sur les critiques du protocole. Peut-être un mot pour conclure cette introduction, Laurent Beg, pour dire que finalement, ce que montrent ces deux expériences d'une façon et d'une autre, c'est que c'est l'extrême complexité de poser un terrain expérimental propre, incontestable, indiscutable dans le champ de la psychologie sociale, surtout à ces époques où on est encore au tout début, à l'émergence de la recherche dans ces domaines. Alors, ça serait injuste d'associer l'expérimentation à l'expérimentation de Zimbardo, qui n'en est pas une en réalité, qui est une sorte de happening à visée démonstrative. Mais effectivement, ça, plus largement, ça questionne sur la possibilité de manipuler des stimuli sociaux dans un contexte contrôlé. Et c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à la fois à démontrer scientifiquement l'influence de certaines variables, et donc pour cela, il faut les maîtriser, il faut les mesurer, tout en ayant effectivement un contrôle sur des milliers d'autres, des centaines d'autres qui évidemment interviennent dans la vie ordinaire. Alors, autant Milgram, je pense qu'il a effectivement réussi à démontrer certains aspects du comportement social, autant on en reparlera, mais je pense que Zimbardo, finalement, n'y est pas parvenu. Zimbardo, vous le dites, un Thibault Le Texier relativement net, pour vous, dans votre enquête, Histoire d'un mensonge, c'est une imposture scientifique ? Oui, oui, sans aucun doute, oui. C'est vraiment, il n'y a absolument rien à sauver dans l'expérience. Eh bien, justement, on va examiner pourquoi il n'y a rien à sauver et puis peut-être essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait remettre cette expérience, refaire cette expérience ou arriver à examiner finalement cette question qui est une question passionnante de savoir si dans des conditions qui sont des conditions imposées socialement par un ordre établi, eh bien, l'être humain peut d'un seul coup devenir naturellement un tortionnaire si nous avons tous une racine du mal à l'intérieur de nous. Mais avant cela, eh bien, peut-être faut rappeler ce que c'est que cette expérience de Stanford, comment elle s'est déroulée, parce que ça va être évidemment important pour la suite de nos conversations. Thibault Le Texier, je vous laisse commenter, vous allez faire une narration à deux voix. Oui, bah, vous l'avez bien présenté en introduction, hein. Donc, c'est un psychologue de l'université Stanford qui a recruté une vingtaine d'étudiants en 1971. Tous des hommes. Oui, tous des hommes blancs. Il y avait un asiatique aussi parmi eux et qui étaient tous étudiants de la classe moyenne qui avaient été testés pour éliminer les profils sadiques ou masochistes ou les profils, ce qu'on appelle machiavéliques. Et donc pour avoir des étudiants normaux, sains entre guillemets, et ensuite il a assigné de façon aléatoire la moitié au rôle de gardien et l'autre moitié au rôle de prisonnier, et il les a mis donc dans sa prison, dans le sous-sol du département de psychologie. Et là, selon la version officielle, donc qui n'est pas du tout ce qui s'est passé réellement, il s'est contenté de fermer la porte et d'observer ce qui se passait. Et là, ça a très vite dégénéré. Donc les gardiens sont devenus de plus en plus brutaux. Les prisonniers se sont rebellés au début et ensuite ils ont eu tendance à plutôt se renfermer, se prostrer, jusqu'à ce que 5 d'entre eux fassent une dépression nerveuse, doivent être évacués de l'expérience, et jusqu'à ce que Zimbardo mette fin prématurément à l'expérience devant la violence qu'elle générait. Au bout de 6 jours, et pas de son propre fait, hein, d'ailleurs ce serait normalement une ancienne petite amie à lui qui, parmi les 50 personnes qui sont venues et qui ont pu assister de l'extérieur à cette expérience, aurait été la première à dire: il faut arrêter ça, tu es en train de faire n'importe quoi, c'est aller beaucoup trop loin. Peut-être compléter voilà, c'est pour ça que je mets tout ça au conditionnel, parce que c'est du storytelling. Mais Laurent, compléter peut-être un peu ce qui semble important et certains points dont on va pouvoir pouvoir aborder que oui, Thibault Le Texier aborde dans son livre. On pourrait détailler évidemment la version officielle hein, de l'expérience, enfin le mot expérience encore une fois n'est pas bien choisi, mais de la démonstration du happening, parce que précisément son auteur a soigneusement en fait présenté une version officielle très vite. Il a diffusé des documents, des supports iconographiques, des photos, d'ailleurs il les a même commercialisés, je crois, vous en parlez dans votre ouvrage. Donc c'était également la suite, finalement un business en réalité, cette expérience aussi. On pourrait détailler ce qu'il en dit, mais en réalité, on acquiert la conviction, et votre livre le montre très bien, qu'il y a une version officielle et puis il y a une version officieuse qui est en partie présente dans certaines archives et probablement une partie perdue. Voilà. Alors, on va revenir hein, sur la façon dont vous avez mené votre enquête, dont vous avez eu accès à un certain nombre de documents, de vidéos que vous avez eu du mal à trouver d'ailleurs et à vous procurer. Rappeler deux, trois choses aussi importantes autour du contexte et historique et scientifique, c'est-à-dire le début de la recherche, le début, on n'est plus dans le début, mais en tout cas, disons, l'extrême popularité de la recherche en psychologie au début des années 70, Laurent Begue. Alors, on a évidemment un contexte d'émergence qui est d'une discipline qui prétend pouvoir s'attaquer à des problèmes sociaux et cherche à le faire avec sincérité, avec énergie, avec des financements, et vous l'avez rappelé, qui proviennent en partie de l'institution de l'armée, hein, puisque c'est effectivement une source de financement importante pour la discipline, qui essaye de régler les problèmes sociaux, alors, par exemple les problèmes interethniques, les problèmes de motivation au travail, donc, et avec des nouveaux outils, avec de nouvelles perspectives, et dans cet idéal effectivement de transformation sociale, d'ailleurs effectivement ça fera partie des ambitions et des souhaits de Zimbardo que de transformer la société par la psychologie, eh bien, il va imaginer ce protocole. On verra tout à l'heure probablement qu'en fait, il reprend ce protocole qui a été imaginé par un client de licence. Voilà, il n'en parle jamais. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des pièces les plus intéressantes de l'ouvrage. Alors, je vais redire un mot. Hein, Thibault Le Texier, vous parlez à propos de la grande diversification des différentes écoles d'études en psychologie. Vous parlez de rationalisme régionaux avec leur folklore et leur patois. Oui, en fait, à partir des années 50, il y a un boom de la psychologie. Il y a le nombre d'étudiants explose littéralement en psychologie. C'est une discipline qui devient multiplié par plus de 10. Hein. Oui, qui devient très populaire. Il y a des magazines qui sont des magazines grand public qui sont lancés. Il y a beaucoup de psychologues qui s'installent aussi en profession libérale, donc pour faire du conseil pour les couples, par exemple, sur le conseil pour le développement de carrière, de choses comme ça. Donc il y a vraiment un boom de la psychologie aux États-Unis, et il y a au niveau universitaire, ça contribue à fractionner la discipline, à établir des sous-disciplines qui ont chacune leur rationalisme régional, comme vous disiez. Et, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas mes termes. Oui, c'est une expression de Bachelard. Et donc ça, Zimbardo, c'est dans ce contexte-là que lui va promouvoir l'expérience, puisque pour lui, c'est quelque chose qui va faire de la publicité pour la psychologie sociale contre la psychologie personnaliste. Donc c'est un petit peu la psychologie de la personnalité qui était dominante jusque-là, où on expliquait la psychologie par l'individu, par le caractère, par les caractéristiques personnelles. Et donc la psychologie sociale représentée là, en l'occurrence par Zimbardo, va essayer de montrer que c'est la situation qui est plutôt déterminante dans bien des cas par rapport à la personnalité. Et donc c'est ce que démontre l'expérience de Stanford, c'est que des personnes apparemment bien sous tout rapport peuvent être amenées à faire le mal, non pas parce qu'elles ont le mal en elles, mais parce que la situation va les conduire à ça. Voilà, c'est un peu la rhétorique Eichmann finalement, hein, qu'on le retrouve effectivement invoqué, je dirais à l'envi, j'allais dire ad nauseam effectivement, mais même en dépit des preuves scientifiques, puisque apparemment l'historien aujourd'hui même met en cause la théorie d'Anna Arendt elle-même, donc qui effectivement aurait un petit peu modifié finalement les données pour présenter Eichmann comme étant quelqu'un d'ordinaire, alors qu'on n'était pas du tout. Et donc cette rhétorique-là, évidemment, elle est attirante, elle est fascinante même, et elle a particulièrement fasciné Zimbardo, qui va utiliser évidemment plusieurs thèmes. Il va parler de William de Golding, par exemple, il va parler effectivement d'influence situationnelle, et c'est un petit peu son catéchisme. Il faut rappeler peut-être aussi très simplement qu'à cette époque-là, en 70, on est très peu de temps, on est 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après le traumatisme de la Shoah, du nazisme, qu'on est en pleine guerre du Vietnam, qu'il y a des mouvements contestataires qui sont très puissants. Tout ça joue sur la doxa du moment, sur l'état dans lequel Zimbardo va conduire ses recherches. Oui, tout à fait. Il y a une grande dimension militante dans cette expérience. Zimardo a vraiment voulu prouver quelque chose. Il était anti-prison, anti-punition, anti-autorité. Et c'était vraiment l'air du temps à l'époque. On est en Californie en 1971, donc on est en plein dans la contre-culture, les manifestations anti-Vietnam. Donc il y a vraiment une volonté de faire quelque chose d'assez démagogique pour montrer la violence des institutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les archives, où il va confier aux gardiens, il va confier à ses thésards qui participent à l'expérience, qu'il veut aller dans les médias avec des résultats très forts pour dénoncer la prison. Et donc c'est un moment aussi où il y a des révoltes dans les prisons, où des militants des droits civiques ou des militants anti-Vietnam sont emprisonnés. Donc la prison est un petit peu partout dans les médias, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et donc il y a cette volonté vraiment à la fois militante et médiatique de faire un coup. Et puis on peut rappeler aussi qu'à cette époque-là, et pour toutes les raisons que vous venez de détailler l'un et l'autre, les protocoles d'expérimentation en psychologie particulièrement, ne sont pas du tout standardisés, Laurent Beg. Alors, tout dépend de la sous-discipline de la psychologie. Mais effectivement, si vous travaillez sur des problèmes qui ont une portée sociale, sociologique, environnementale, je dirais, ample, eh bien, bien sûr, il n'y a pas de moule, en fait. Chaque expérience est une sorte de commencement, puisque vous imaginez créer des conditions qui ont une pertinence sociale, une validité écologique pour une généralisation du phénomène. Et donc, il faut inventer, il faut créer une forme de dramaturgie. Et c'est évidemment la faiblesse et la force aussi, d'ailleurs, de cette approche qui prétend, finalement, parler du monde social de manière contrôlée, de manière non uniquement spéculative. Et je dirais que les convictions de Zimbardo aient inspiré donc ses convictions effectivement anti-autoritaires et peut-être son élan, voire son ambition prophétique, aient inspiré ses travaux, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les travaux eux-mêmes ne valent pas grand-chose et ne démontrent rien. Mais tous les chercheurs de l'époque, effectivement, ont une envie de transformation sociale. Certains vont utiliser des méthodes qui sont convaincantes et reproductibles, même si à l'époque, encore une fois, c'est pas vraiment la question. Pas assez en tout cas, surtout en psychosocial, mais après on a d'autres approches qui vont compléter cette perspective. Et puis ces différents travaux vont dans certains cas déraper, et on voit bien que c'est le cas pour Zimbardo. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons de l'expérience de Stanford tout au long de cette heure en compagnie de Thibault Le Texier, qui est l'auteur de Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford aux éditions La Découverte, et Laurent Beg, qui est professeur de psychologie sociale à l'université Pierre Mendès France à Grenoble-Alpes. Peut-être un mot sur l'origine de cette enquête, Thibault Le Texier. Pourquoi avez-vous voulu vous intéresser à cette enquête de Stanford, et comment est-ce que vous avez travaillé? Vous vous expliquez que l'accès aux archives a été extrêmement compliqué et que vous avez eu du mal à mettre la main sur un certain nombre de pièces que vous avez exploitées pour votre livre. Alors au départ, en fait, c'est en découvrant que l'expérience avait été filmée par une caméra cachée dans un mur que je me suis intéressé à l'expérience, puisque je travaillais pas sur l'histoire de la psychologie du tout à l'époque. Et en découvrant ces images en noir et blanc qui donnaient un peu l'idée d'impression d'une télé-réalité, un peu du cinéma burlesque comme ça, ces gens dans un couloir en noir et blanc, que je me suis intéressé à l'expérience avec l'idée d'en faire un film en fait, et de raconter ce qui s'était passé, mais non pas à travers les témoignages de Zimbardo, mais à travers les témoignages des participants. Donc j'ai écrit à Zimbardo pour lui demander l'accès aux archives. Et donc, contrairement à ce que vous dites, ça a été assez simple. D'accord. En fait, il a tout de suite répondu oui, pas de problème, elles sont à Stanford maintenant, vous pouvez y aller. Il m'a donné le contact de l'archiviste qui s'en occupait. Et donc, voilà, dès que j'ai trouvé un peu d'argent avec des producteurs, j'y suis allé. Et donc, j'ai pu consulter toutes les archives que je voulais. Donc, bon, ça se trouve, il en a détruit certaines ou il y en a qui ont été perdues. Mais il y a quand même, j'ai pas vu de trous, on va dire, ou de dossiers manquants ou de fiches qui auraient disparu. Les archives sont assez complètes. Ce qu'il y a, en revanche, c'est que Zimbardo a toujours dit qu'il avait enregistré l'expérience en continu, ce qui est complètement faux, en fait. Il a enregistré une vingtaine d'heures sur 150. Donc, toutes les mesures qu'il tire de ces enregistrements sont complètement biaisées, en fait. Il fait des statistiques sur les taux d'agressivité, sur la façon dont les gardiens et les prisonniers se parlent, mais ces statistiques sont pas basées du tout sur l'ensemble de l'expérience, mais sur ce qu'il a enregistré. Or, il a enregistré surtout les moments de confrontation ou les moments un peu particuliers. Peut-être qu'effectivement, on peut l'un des points de départ, et on va voir que ce type de biais-là s'accumule jusqu'à former des montagnes. Vous l'avez noté tout à l'heure, Laurent Begg, c'est que cette fameuse expérience de Stanford, en fait, c'est une reproduction d'une expérience non seulement qui a été menée auparavant, mais en plus par un étudiant qui va faire partie lui-même des gens avec lesquels Zimbardo va travailler. Oui, alors précisément sur ce point exact, depuis déjà des dizaines d'années, en fait, les psychologues sociaux mettent en cause le protocole de Zimbardo, indiquant qu'il aurait instillé finalement les comportements qu'il prétend observer spontanément. Ceci étant, il n'y avait pas jusqu'à présent de preuves matérielles qu'il l'ait fait. Sauf quelques témoignages qui ont été effectivement recueillis. Et l'une des forces, je trouve, de ce livre, c'est précisément d'avoir retrouvé un protocole expérimental, un protocole plutôt de mise en scène expérimentale, entre guillemets, qui avait été donc développé par un étudiant de licence de Zimbardo, qui s'appelle Jaffe, c'est ça ? Oui, David Jaffe. Oui. Jaffe, qui donc, quelques semaines avant l'expérience, développe ce protocole. Et on est stupéfait, c'était vraiment une des grandes surprises de ma lecture de ce livre, de voir que le protocole de Milgram, il se calquait finalement de Zimbardo. Excusez-moi. Mot pour mot, lapsus révélateur peut-être, mot pour mot sur ce protocole antérieur. Et je trouve que c'est une belle démonstration finalement. Pour moi, en quelque sorte, Zimbardo, enfin son expérience était déjà à la morgue. Là, c'est le clou sur le cercueil. Quoi. C'est-à-dire qu'on a une démonstration de ce qu'il y a eu un effet d'attente expérimentale très net et maintenant on en a la preuve matérielle. Comment est-ce que vous avez mis la main sur ce dossier qui s'appelle David Jaffe Simulated Prison, donc c'est une prison simulée ou reconstituée, qui détaille à peu près le même protocole expérimental, en un peu moins peut-être ambitieux que celui que va mettre en place Zimbardo. Je l'ai trouvé dans les archives. Il y avait ce rapport-là et puis le rapport de trois autres étudiants de licence aussi qui ont participé à cette expérience, donc dans un dortoir 3 mois avant. Et donc c'était vraiment le plus étonnant avec ça, c'est qu'on retrouve vraiment l'expérience de Stanford avant la lettre. Il y a le même règlement par exemple pour les gardiens d'une expérience à l'autre, le même emploi du temps. Vous mettez en regard les deux règlements, oui. C'est les mêmes. Alors que Zimbardo a toujours soutenu que les gardiens avaient inventé eux-mêmes les règles. Donc là, on a vraiment une preuve matérielle que c'est un mensonge. Et l'autre biais très fort qu'introduit cette expérience, c'est qu'il a recruté donc l'étudiant, comme vous le disiez, qui a fait cette expérience, en lui disant « je veux reproduire ces résultats ». Donc l'étudiant de Zimbardo, David Jaffe, qui est présenté comme un volontaire en fait, est en fait une sorte de salarié de Zimbardo payé pour reproduire les résultats. Donc il a une pression incroyable sur les épaules puisqu'il est chargé de d'avoir des résultats très spectaculaires, très violents, et qu'il est dans une position de subordination par rapport à son professeur puisque c'est son élève, il est noté par lui et donc il a aucune liberté d'action. Et donc on le voit à plusieurs moments dans l'expérience. Convoquer des gardiens qui sont un peu mous pour les recadrer, leur dire bah là non, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois agressif, sinon l'expérience va échouer, on pourra pas dénoncer la prison. Donc ça c'est vraiment un biais extrêmement fort. C'est effectivement un biais extrêmement fort et avec en plus l'implication à l'intérieur même de l'expérience de Zimbardo lui-même et de David Jaffe qui vont être du côté des superviseurs, des gardiens comme vous me l'expliquez. Pour faire une sorte de résumé succinct précisément des critiques qui n'ont cessé de s'étoffer depuis 1971, nous sommes rendus à l'université de Nanterre. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu donc au laboratoire parisien de psychologie sociale de l'université de Nanterre pour rencontrer un chercheur qui a non seulement côtoyé un peu Zimbardo, mais qui a travaillé surtout sur son expérience. Oui, Thierry Meignard a beaucoup travaillé en psychologie expérimentale. Alors lui, il ne pense pas que l'expérience soit une imposture totalement, mais il m'a expliqué en quoi une étude en psychologie sociale peut manquer de réalisme, car contrairement aux sciences dures, les contraintes expérimentales sont plus larges et plus difficiles à contrôler, et donc les conclusions peuvent être subjectives. C'est ce que d'ailleurs avait montré la réplique de l'expérience de la BBC en 2001, qui n'avait pas abouti au même résultat que l'étude de Zimbardo, car, comme m'a dit Thierry Meignard, il faut toujours prendre en compte ce qu'on appelle le biais de l'expérimentateur. Le point de vue de Zimbardo était très centré sur l'oppression. C'est-à-dire l'idée, au fond, on va simuler une situation où on fabrique de l'oppression. Alors les critiques sur cette recherche-là ont été importantes et donc elle a été reproduite avec l'idée, une idée assez différente. Qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est on peut regarder la facette oppression, certes, mais il faut aussi regarder la facette résistance à l'oppression. Et de fait, en faisant toute une séquence de recherches qui a permis de tester que le facteur important, c'est bien des facteurs d'identité, c'est-à-dire le fait que j'appartienne au groupe des prisonniers, que je partage avec eux des valeurs, que j'ai à défendre des valeurs en commun. Et sur cette base-là, je vais pouvoir mieux me défendre. Et donc, ils ont développé leur protocole, et effectivement, c'est ce qui a été observé dans cette recherche-là, bon, qui est elle-même aussi critiquable sous d'autres angles, puisqu'il s'agit quand même d'une émission de télé-réalité. Voilà, donc ces deux recherches, l'une avec l'autre, la facette, disons, oppression, et la facette, disons, résistance, sont intéressantes dans leur complémentarité. C'est-à-dire, on voit, aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à étudier les deux facettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je vais résister, qu'est-ce qui fait que je vais au contraire me laisser aller ou ne pas rentrer dans un jeu de rôle d'agression. Par ailleurs, une critique qui a été faite à Zimbardo, c'est le biais des, ce qu'on appelle le biais d'échantillonnage, à savoir que ces sujets avaient été recrutés en prenant comme critère « souhaitez-vous participer à une recherche sur l'emprisonnement ?» Et donc on peut penser que ces gens-là possédaient quand même un certain nombre de traits particuliers. Bon, peut-être d'autoritarisme, machiavélisme. Donc ça pose aussi la question du réalisme dans les protocoles expérimentaux en psychologie sociale. Enfin, si on oriente dès le départ des facteurs qui pourraient amener à ce qu'on veut mettre en évidence. C'est ce qu'on appelle la validité externe. La validité externe est composée de quatre éléments. C'est-à-dire, est-ce que les personnes dont il est question sont représentatives? Et donc, il y avait peut-être chez Zimbardo un biais dans la population. Ensuite, est-ce que la principale variable, est-ce que les rôles ressemblaient à la situation naturelle? On peut dire que de ce côté-là, les rôles de gardien et de prisonnier avaient une certaine ressemblance. Mais ça implique qu'on ait instauré des variables dès le départ? Il y a une seule variable qui est vraiment expérimentale, c'est le statut. Donc, expérimental, ça veut dire donc où les sujets ont été répartis au hasard. C'est le fait d'avoir été désigné comme prisonnier ou comme gardien. Ceci étant connu des participants. Et ensuite, est-ce que la situation globale ressemblait finalement à une situation de prison? Vous avez côtoyé le professeur Zimbardo. Qu'est-ce qu'il disait justement sur les biais? Parce qu'il semblerait qu'il ait décrit les objectifs, ses intentions auprès des protagonistes de l'expérience. C'est ce qui a justifié la deuxième recherche, le fait que lui-même avait demandé au gardien, dans ses instructions, de se comporter de manière à déshumaniser les prisonniers. Et donc, peut-être, y a-t-il eu là un biais de l'expérimentateur, en renforçant, disons, le rôle attendu des gardiens dans le sens des humanisations. Ce que ne fait pas Reicher, parce que Reicher n'intervient pas. En général, l'idée, en psychologie sociale expérimentale, l'idéal, c'est que les personnes qui font passer la recherche ne soient pas au courant des hypothèses. Et au fond, on peut dire que dans les deux cas, puisque l'un partait de l'idée qu'on est l'observé de l'oppression, il est observé de l'oppression, l'autre partait de l'idée qu'on est l'observé de la résistance, il observe de la résistance, on peut se demander s'il n'y a pas un biais de l'expérimentateur. C'est-à-dire qui finalement va observer ce qu'il lui-même a plus ou moins planifié. Donc on voit bien que le comportement de Zimbardo, qui demande à ce que les gens respectent les rôles, pousse quand même dans un certain sens. De même, le protocole de Reicher était fait pour augmenter le sentiment d'identité des personnes de sorte qu'ils forment un groupe résistant. Et de ce point de vue, l'hypothèse est très différente, puisque pour Zimbardo, ce qui fait l'agression, c'est le fait d'avoir perdu son identité, alors que pour Reicher, c'est le fait de l'avoir gagné. Donc c'est vraiment deux points de vue qui ne sont pas complètement opposés. Mais enfin, il y en a un qui nous dit, au fond, les gens deviennent agressifs parce qu'ils perdent l'individualité, donc donnez-leur un uniforme, un statut. Empêcher qu'ils soient identifiés, notamment, on voyait que les gardiens, par exemple, portaient des lunettes où on ne voyait pas les yeux. Par ailleurs, même si aujourd'hui on peut critiquer ce genre de recherche, se dire est-ce que vraiment on a identifié les processus, est-ce qu'on était bien suffisamment précis, probablement pas. Mais au fond, elles ont quand même permis d'installer un nombre incommensurable de recherches dans toutes les directions. Donc sur les processus d'agression, sur les processus de désindividuation, sur l'identité sociale, sur la résistance et l'oppression. Donc elles ont été un peu fondatrices, même si aujourd'hui, probablement, donc aucun comité d'éthique n'accepterait de considérer que le bénéfice qu'on va avoir est supérieur au coût de souffrance auquel on expose les sujets. Voilà un point de vue sur un certain nombre de critiques qui ont été exercées à l'encontre de cette expérience de Stanford et de Philippe Zimbardo. Une réaction à ce que vous venez d'entendre finalement sur la fin du reportage. On entend, même si cette expérience est biaisée, même si cette expérience n'est pas correcte, elle a au moins initié d'une certaine façon des recherches sur l'agressivité, sur la violence, sur le statut social de la violence. Qu'en pensez-vous, Laurent Bayle ? Oui, elle a reflété une préoccupation historique qui aurait pu peut-être se concrétiser par des recherches de qualité plus convaincantes. Thibault Lédexier, qu'en pensez-vous ? Oui, je peux prolonger sur les biais. Évidemment. Voilà, parce que là, Thierry Meilleur parlait des biais de l'expérimentateur, mais un des biais très forts qu'il y a eu pendant l'expérience, c'est ce qu'on appelle le biais de les exigences de la situation expérimentale, c'est-à-dire tous les indices dans une expérience qui peuvent permettre aux participants, aux cobayes, de deviner quelle est la finalité de l'expérience. Et en général, on sait que les volontaires ont tendance à vouloir plaire à l'expérimentateur, on veut faire avancer la science, ils se sont portés volontaires, ils sont dans une situation où ils sont plutôt dominés, donc il faut essayer vraiment d'occulter la finalité de l'expérience, sinon ça peut vraiment amener un biais chez les volontaires. Donc c'est pour ça typiquement que Milgram, lui, disait à ses cobayes qui testaient non pas l'obéissance, mais qui testaient la mémoire. Bien sûr. Et Zimbardo, lui, au contraire, a fait passer une petite annonce dans les journaux où il parlait d'une expérience sur la prison. Ensuite, les gardiens ont une journée de formation pendant laquelle il leur a expliqué la finalité même de l'expérience. Vous avez trouvé une vidéo à ce propos où on voit Zimbardo devant un tableau noir où Jaffy a recopié la liste des variables. Il a marqué ennui, frustration. Oui, il leur dit voilà ce que vous devez produire, voilà ce qu'on doit trouver. On doit pouvoir démontrer l'oppressivité de la prison, on doit pouvoir démontrer la violence qui surgit de la prison. Donc, ils ne sont pas du tout laisser libre comme ça d'inventer une manière de gérer une prison. Ils ont vraiment un mode d'emploi et ils ont les conclusions de l'expérience qui leur sont présentées dès le début. Et il y a un autre biais aussi dont on peut parler, c'est le biais d'auto-sélection, c'est-à-dire que dans une situation donnée, une situation va attirer un certain type de profil psychologique ou un certain type d'individu. Donc il y a des psychologues qui ont fait une expérience où ils ont fait passer dans les journaux deux petites annonces. Donc une qui était la petite annonce de l'expérience de Stanford, vraiment à l'identique, et une autre où on avait gommé le mot prison de l'expérience. On disait on cherche des volontaires pour une expérience qui va durer 2 semaines, mais sans préciser que c'était sur la prison. Et ensuite, ils n'ont pas mis les volontaires en prison, mais ils ont simplement fait passer des tests psychologiques pour essayer de déterminer des profils, et ils ont vu que les volontaires qui avaient répondu à la petite annonce qui portait le mot prison avaient un profil plutôt peut-être plus agressif, plus viril. Avec des pulsions sadomasochistes parfois refoulées. Voilà. Et donc dans ce biais d'autosélection, on voit aussi que souvent une situation va faire ressortir certains traits chez les individus où le trait de caractère qui a attiré les individus vers cette situation va ressortir encore plus. C'est ce que les participants vont avoir en commun, donc c'est ce qu'ils vont avoir tendance à valoriser, alors que ce trait de personnalité dans une autre situation passerait complètement au deuxième plan. Laurent Bègue. Ça met un peu l'accent sur la nécessité d'utiliser le principe de double aveugle pour travailler dans ce genre d'expérience. Sinon, évidemment, les expérimentateurs ayant connaissance des hypothèses peuvent bien involontairement, parce que là c'était volontaire, la transmission des messages du mode d'emploi, comme vous le dites, était finalement programmée, anticipée, encouragée. Mais dans beaucoup de cas, d'une manière irréfléchie, l'expérimentateur peut très bien involontairement communiquer de manière infraverbale des informations qui vont porter le participant à donner des réponses dans le sens des hypothèses. Par exemple, dans les recherches sur lesquelles j'ai travaillé sur les comportements agressifs et l'alcoolisation, des travaux de synthèse ont montré que si l'expérimentateur qui donne l'alcool aux participants est au courant des hypothèses du chercheur par rapport à la situation placebo, on constate qu'il y a une élévation plus grande du comportement agressif. Donc même à ce titre-là, on peut s'interroger. Est-ce qu'on peut manipuler les stimuli sociaux en laboratoire sans induire fréquemment, en tout cas, ce type d'attente expérimentale ? C'est une difficulté importante. Et c'est une difficulté particulièrement connue lorsqu'on expérimente avec des enfants. Oui, ces fameux effectivement effets de Pygmalion, voilà, qui ont été très largement documentés, que vous évoquez également dans votre ouvrage, qui ont démontré effectivement que les attentes d'un environnement déterminent finalement le traitement de la situation par les expérimentateurs et par les participants. Comes billowing across the sand. Because de Pink Floyd et Boone, puisque l'album Medal est sorti en 1971, l'année de l'expérience de Stanford, qui est notre sujet tout au long de cette heure dans la méthode scientifique sur France Culture, en compagnie de Thibaut Le Texier, qui est chercheur en sciences sociales, auteur de Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford, c'est aux éditions La Découverte dans la collection Zone, et de Laurent Beg, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université Pierre Mendès France à Grenoble-Alpes. Un autre biais qui a été abordé tout à l'heure dans le reportage et sur lequel vous revenez longuement, qui est intéressant, parce que pour le coup, c'est une sorte de leçon, en tout cas l'une des leçons que l'on peut tirer de cette expérience de Stanford, c'est ce biais de réalisme, de dire que finalement bien, la prison n'était pas très réaliste, que les prisonniers n'étaient pas traités de façon réaliste. Et là, ça oppose deux types de... Ça oppose deux types de points de vue, deux types de parti pris, pardon. Celui du réalisme brut, d'une part, contre le réalisme expérimental de l'autre. Faut-il distordre un peu la réalité pour l'appliquer pour obtenir des résultats plus probants, ou faut-il au contraire reproduire une réalité strictement identique au réel pour ne pas introduire de biais? Laurent Beg. Alors, c'est évidemment un problème central de la psychologie sociale, puisqu'elle s'attaque aux stimuli sociaux. Et là, on a évidemment une difficulté majeure qui est d'arriver à produire des informations scientifiques qui soient généralisables à un environnement donc effectivement plus large. Alors, on a des tentatives qui sont des échecs, et il y a des par exemple. Bon, effectivement, ici, on a typiquement un protocole qui est une supercherie, enfin en tout cas une mise en scène qui pose problème. Mais dans d'autres cas, on peut très bien induire des émotions, des pensées, des attitudes individuelles en manipulant certains stimuli sociaux sans que cela soit nécessairement un problématique du point de vue scientifique. Par exemple, si vous travaillez sur le stress, eh bien, vous pouvez. Le but est d'arriver à trouver des processus psychophysiologiques du stress, par exemple, et les variables pour les diminuer éventuellement. Eh bien, certains protocoles existent où l'on va demander à des participants de présenter un texte ou de présenter une information devant un public de 3 personnes, donc qui sont toujours effectivement selon un protocole, les 3 personnes qui vous observent et qui évalue votre propos, par exemple. Donc là, on a une situation qui est relativement épurée, c'est-à-dire qu'on va, établir une situation sociale d'observation. L'individu va être étudié dans son comportement, dans ses réactions éventuellement physiologique. Et ce protocole de Trier, qui a été validé effectivement par des chercheurs allemands, permet d'étudier un phénomène social en laboratoire. Donc ce n'est pas exclu de pouvoir le faire, mais encore faut-il avoir des garanties concernant la généralisabilité des résultats. Thibault Le Texier, votre opinion sur ce... Oui, tout à fait. Il y a deux manières de dire qu'une expérience est réaliste. Comme vous le disiez, il y a ce qu'on appelle le réalisme expérimental, c'est-à-dire est-ce que les volontaires sont pris par l'expérience, est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y participent en étant vraiment impliqués dedans. Et il y a ce qu'on appelle le réalisme brut, c'est est-ce que l'expérience ressemble à la réalité, est-ce que c'est une situation qu'on peut retrouver dans le monde réel. Donc, pour Stanford, c'était clairement du réalisme expérimental, hein. On l'a dit en quelques mots, mais enfin, entre les sacs sur la tête pour rentrer dans la prison, les gardiens qui avaient des lunettes de soleil réfléchissantes pour pas voir leurs yeux, il y avait plein de... Le fait qu'ils soient nus sous leur blouse, enfin tout ça ne sont pas des conditions réelles d'incarcération aux États-Unis en 1971. Oui, tout à fait. Donc là, Zimbardo a fait un choix assez étrange, c'est qu'au lieu d'essayer de reproduire exactement une prison, il s'est dit on va essayer de reproduire les effets que la prison produit sur les prisonniers. Et donc, il a imaginé cette prison qui est assez burlesque, en fait, où les prisonniers n'ont pas de sous-vêtements, où ils portent des collants sur la tête, où les gardiens ont des lunettes de soleil, en se disant, voilà, c'est la prison produit de la désindividuation, donc on va leur mettre des lunettes de soleil pour cacher leurs yeux. La prison produit de l'émasculation des prisonniers, puisqu'ils sont dans une position infantilisante, ils sont dépendants des gardiens pour absolument tout faire, donc on va pas leur mettre de sous-vêtements, comme ça ils vont être dans cette situation d'émasculation. Donc il va produire une situation qui n'est pas du tout réaliste. Et donc ça, à ce niveau-là, l'expérience de Stanford n'a aucun réalisme brut. Après, on peut discuter, est-ce qu'elle a un certain réalisme expérimental ? C'est-à-dire que les gens y ont cru, est-ce qu'ils étaient vraiment emportés par la situation ? Et ça, donc, il y a eu des questionnaires qui ont été donnés aux gardiens et aux prisonniers pendant l'expérience pour leur dire à quel point est-ce que vous y croyez, à quel point vous êtes investis. Et on voit qu'ils n'étaient pas du tout à 100%, qu'il y en avait certains, ils n'y croyaient pas du tout. Il y en avait d'autres, le mardi, ils y croyaient un peu, le mercredi un peu plus. Ça dépendait des personnes, ça dépendait des moments, et donc au niveau du réalisme expérimental aussi, c'est une expérience qui est très douteuse. Oui, c'est intéressant, dans votre ouvrage également, vous évoquez les sources culturelles qui ont inspiré effectivement Milgram, les connaissances filmiques, ou bien effectivement... Zimbardo, pas Milgram. Oui, encore une fois, effectivement. Décidément. On fera une autre émission sur Milgram, on vous réagitera. C'est ça, qui montre bien qu'il s'est finalement affublé, il a affublé ses participants de caractéristiques qu'il a piochées un peu dans sa connaissance vague et superficielle du monde carcéral. Oui, lui-même dit qu'il ne connaissait rien à la prison et qu'il n'avait jamais visité de prison. Qu'il n'y était jamais allé, vous l'expliquez. Et qui s'est basé surtout sur des films. Donc, par exemple, Les Lunettes de Soleil, il s'est inspiré d'un film avec Paul Newman de 1967, Cool Hand Luke. Et donc, il a, par exemple, typiquement le fait de dire que les prisonniers vont être émasculés, qu'on va les féminiser en enlevant leurs sous-vêtements, c'est complètement ridicule, puisqu'en prison, souvent, les prisonniers sont plutôt poussés à la virilité, à surjouer le gros dur, le gros bras, pour qu'on fasse aux gardiens et face aux autres prisonniers. Donc ça, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui est plutôt contradictoire avec la réalité. On parle souvent, et on en a parlé autour de ce micro, de la question de la reproductibilité. Une expérience scientifique doit pouvoir être reproductible dans différentes conditions, par différentes équipes, pour aboutir au même résultat. Alors là aussi, face à cette expérience de Stanford, qui n'est pas vraiment une expérience, mais plus une mise en scène ou une performance, les médias s'en sont saisis. On en parlait tout à l'heure dans le reportage. Une autre expérience a été menée en 2001. Elle a été filmée pour la BBC, qui en a tiré un documentaire de 4 heures. Écoutez. Scientific experiment into power and rebellion. 15 men randomly divided into two groups. One group of men given power over the other. Exactly 15 minutes for a power search of yourself. And I'm flipping. Fuck. In just 8 days, these men selected for their psychological balance will be pushed to the extremes of human emotion. Just give me all that. I'm making some of this. You're the one who's giving me the body language. I'm the one who's giving you. The objective? To discover whether this system will turn good men to evil. Voilà les premières minutes, l'annonce de The Experiment, où on a tous les codes sonores de la télé-réalité, même si ça ne se veut pas exactement une télé-réalité, mais un documentaire filmé. Bref, la conclusion de ces 4 heures de documentaire est radicalement différente de celle de Zimbardo, puisque là, ce sont les gardiens qui ont craqué nerveusement, qui ont refusé. L'expérience s'est arrêtée aussi de façon prématurée, et ils ont refusé de devenir des bourreaux, de se comporter de façon sadique avec les prisonniers. Qu'est-ce qu'il faut croire, quel crédit apporter à cette réeffectuation télévisuelle, selon vous, Thibault Le Texier ? Pour moi, aucun. Le fait que l'expérience soit filmée pour être transmise sur une des plus grandes chaînes britanniques fausse complètement les résultats. On va pas être les participants ne sont pas du tout spontanés. Et c'est pas étonnant que les gardiens refusent d'être violents. Qui a envie de se comporter en sadique ou en tortionnaire devant sa famille, ses voisins, ses collègues ? Donc ça introduit un biais considérable. Par ailleurs, les expérimentateurs sont intervenus pendant l'expérience. Ils ont introduit un syndicaliste pendant qu'il y avait des pourparlers entre les gardiens et les prisonniers. Donc le syndicaliste est venu faire une sorte de médiation, et puis ils ont retiré le syndicaliste au bout de 24 heures. Parfois, il leur a envoyé des nourritures particulières, ou il leur a envoyé des bières, par exemple. Ils ont établi en fait une commune vers la fin de l'expérience. Les gardiens et les prisonniers ont décidé de gérer collectivement la prison, et juste après l'établissement de cette commune, les expérimentateurs leur ont envoyé des bières pour la première fois depuis le début de l'expérience. Donc tout le monde s'est demandé, c'est qu'on a fait ce qu'ils attendaient de nous, puisque c'est une récompense. Voilà. Donc voilà, il y a des comme ça. Une récompense britannique, la bière pour les rats, c'est de l'eau sucrée. Pour des participants à la télé-réalité britannique, c'est de la bière. Laurent Beck, votre opinion sur cette réeffectuation télévisuelle qui a eu lieu pour l'expérience de Milgram aussi sur un programme français qui avait été là aussi vivement contesté. Écoutez, j'aimerais utiliser le mot de Milgram lui-même, de Zimbardo lui-même. J'étais à Stanford au moment, effectivement, quelques temps après l'expérience donc britannique, et Zimbardo en parlait puisqu'il devait évaluer un article qui est soumis à publication justement à ce propos. Il parlait de bullshit. Je pense que lui-même effectivement il n'était pas convaincu de cette expérience nécessairement, puisqu'elle contredisait un peu ses attentes. Je crois que là on est face à un protocole qui ne peut pas démontrer quoi que ce soit, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un protocole qui est censé être perçu par les spectateurs, donc les comportements des participants ne sont pas spontanés. Donc je crois que là il faut sortir de ces mises en scène, se poser la question, qu'est-ce qui est possible de démontrer par ce genre d'expérience ? Je crois pas grand-chose. Pour l'expérience de 1000 grammes qui avait été diffusée à la télévision française, en revanche, les résultats avaient été amplifiés par rapport à l'expérience de 1000 grammes, et en sachant que l'autorité scientifique était substituée, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, par une autorité télévisuelle. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fait que ce soit filmé intégrait le protocole comme une nouvelle forme d'autorité qui était celle d'être regardée par l'ensemble de la population. Voilà, mais la différence importante, c'est que dans le protocole français, qui je crois vraiment avait de l'intérêt, il y avait un public, plus de l'animatrice de télévision. Et donc, les 81% de soumission, en fait, étaient finalement, on peut dire, très, très comparables à ce qu'avait observé 1000 grammes lui-même, puisqu'effectivement, on est vraiment dans des zones qui sont proches. La reproductibilité est un sujet important. Alors, pour revenir une dernière fois sur le protocole de Zimbardo, un point intéressant, je trouve tout de même, pour sauver en quelque sorte, en tout cas pour rendre hommage à ce travail, si on peut le faire, c'est qu'il a consigné des archives. Et que ces archives permettent aujourd'hui, peut-être au corps défendant de Zimbardo lui-même, mais de mettre en cause son travail. Et la difficulté, on pourrait bien sûr attaquer la psychologie sociale à beaucoup d'égards, mais là on a quand même une trace qui est lui-même, je dirais avec une certaine naïveté, finalement vous a laissé accéder à ces documents qui incriminent totalement son travail. On a beaucoup de théorisations et d'idées plus ou moins convaincantes dans le domaine des sciences humaines et sociales qui ne vont pas jusque-là, qui non seulement ne quantifient rien, mais qui aussi, finalement, lorsqu'elles le font, ne gardent pas forcément des traces. Et je pense que ces lacunes-là et ces manques-là sont importants. Donc je crois que Zimbardo a tout de même effectivement légué des documents. On voit que ces documents l'accusent en quelque sorte, mais ça pointe, disons, vers la nécessité de bien sûr d'avoir des traces et puis surtout d'avoir des démarches scientifiques qui permettent la reproduction des effets. Mais de toute manière, l'expérimentation telle qu'elle a été conçue dès le départ ne pouvait pas être reproduite. On va vous mettre le lien sur notre fil Twitter de l'émission que nous avions consacrée justement à cette crise de la reproductibilité. Un mot, Thibault Le Texier, pour conclure, il n'y a rien à sauver. En tout cas, vous dites encore une fois qu'il s'agit vraiment d'une manipulation et d'une imposture scientifique. Il n'y a rien à sauver de cette expérience de Stanford, selon vous, sur un plan strictement scientifique? Non, l'expérience vraiment pour moi est à jeter à la poubelle, mais elle peut être utile aujourd'hui, et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre, comme une leçon en fait de tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'est un peu un cas d'école de nombreux biais qu'on peut introduire dans une expérience, et donc ça peut pour moi être une sorte de mode d'emploi en négatif en quelque sorte. Donc pour moi elle a une utilité à ce niveau-là, sur servir de contre-exemple en fait, et on peut comprendre beaucoup de choses à la psychologie expérimentale pour moi en regardant ce que Zimbardo n'a pas fait ou ce qu'il a mal fait. Alors comment faire justement aujourd'hui en 2018, compte tenu de ces échecs du passé, compte tenu des exigences aussi peut-être plus élevées aujourd'hui en matière d'éthique qu'elles ne le furent naguère, pour bien faire de la psychologie expérimentale? Que peut-on dire aujourd'hui? Comment peut-on faire selon vous, Laurent Beg? Bon, d'abord, il serait évidemment injuste d'associer les travaux de Zimbardo à la psychologie expérimentale, puisqu'elle n'en a pas fait. Mais je dirais aujourd'hui, on a bien sûr des protocoles de recherche qui permettent de démontrer, de mettre à l'épreuve des hypothèses avec des variables qui sont manipulées, ce qui n'était pas le cas chez Zimbardo, puisqu'effectivement, il a simplement divisé un groupe aléatoirement, mais c'est des variables qui sont invoquées, qui ne sont pas provoquées. Il a observé ce qui se passait en ayant injecté des attentes explicites. Donc finalement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas garder grand-chose de cette expérience. Elle est juste un cas d'école qui, à mon avis, témoigne de la collusion également entre la science et les médias. Puisque là, on a vraiment, je dirais, un intérêt objectif de Zimbardo à faire connaître ses travaux. Et vous avez très justement souligné que dès la fin de l'expérience, il a convoqué la presse alors qu'il n'avait même pas traité les données. Donc on est vraiment face à une situation à abracadabrantre. Bon. Après, je pense que voilà, on a aujourd'hui un renouvellement important d'une discipline qui se met en cause puisqu'elle examine chacun de ses résultats scientifiques avec des protocoles de recherche qui sont internationaux, où on cherche à mettre en place des méthodes de réplication strictement identiques dans des pays différents, à agréger les résultats, à établir si les résultats convergent vers les résultats initiaux. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas observé, malheureusement. Mais je crois que même si cette discipline est dévastée par une crise qui d'ailleurs touche également la médecine et beaucoup d'autres disciplines, elle est porteuse aujourd'hui de signes qui suggèrent qu'il y a une perfectibilité, c'est-à-dire que de plus en plus les doctorants, par exemple, déclarent en ligne leurs hypothèses avant l'expérience, présentent leurs variables, il y a un effort qui est fait de clarifier simplification effectivement des procédures. Donc je pense qu'à l'avenir, les résultats seront davantage reproductibles. Thibault Letexier. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faudrait pas en conclure que tout se pourrit, il faut jeter la psychologie sociale à la poubelle. Non, c'est un cas particulier. Donc, il y a une crise de reproductibilité. Il y a eu beaucoup de scandales, de fraudes, de plagiat, de procès. Que nous avons adressé autour de ce micro à plusieurs reprises. De procès entre scientifiques. Mais pour moi, là, c'est plutôt un signe de bonne santé de la science. Ces crises qui, aujourd'hui, il y a un questionnement pour assainir les pratiques scientifiques. Il y a des enquêtes de méthodes. Ta recherche pour essayer de voir comment améliorer la méthodologie, comment améliorer les protocoles. Donc pour moi, tout ça est plutôt prometteur en fait. En un mot vraiment, l'un ou l'autre, puisque ces questions qui sont liées au conditionnement par un cadre autoritaire ou la soumission à une parole hiérarchique sont des questions essentielles, peut-être encore plus aujourd'hui qu'en 1971, comment les tester, Laurent Beg ? En un mot, allez, en un mot, non, vous avez 30 secondes. Il y a des promesses intéressantes dans la réalité virtuelle, par exemple. C'est-à-dire qu'on a montré que les comportements humains observés dans le monde virtuel, par exemple, un comportement, vous asseyez dans un bus, par exemple, à côté de qui ? Qui c'est que vous allez éviter ? Bon, ça, on retrouve des choses très proches des comportements réels. La modification des performances en présence d'un observateur, c'est des choses qu'on observe également dans le virtuel. Donc, je pense qu'on pourrait arriver à faire des protocoles assez élaborés, socialement, très, très denses, par une numérisation. Eh bien, on y reconsacrera une émission entière, parce que c'est une question passionnante. Mais à 16h53, eh bien, c'est l'heure, comme tous les jeudis, de retrouver la Bibliothèque des sciences. Aujourd'hui, Michel Blais nous parle de la lettre de Newton à Henri Oldenburg sur la lumière et les couleurs. La Bibliothèque des sciences. Il s'agit donc de présenter quelques lignes de la célèbre théorie des couleurs de Newton, ou je dirais plutôt des théories des phénomènes de la couleur, parce qu'il ne s'agit pas de la couleur au sens strict, mais des phénomènes et de la mathématisation des phénomènes de la couleur. C'est-à-dire que le travail de Newton a consisté à mettre en place une manière de mathématiser les phénomènes de la couleur, c'est-à-dire qu'on peut traiter de l'arc-en-ciel sans rien connaître à strictement des couleurs ni les voir. Hein. Donc c'est ça qui est important. Alors, c'est la lettre de Newton à Oldenburg, qui était secrétaire de la Royal Society, et texte qui a été publié en 1672, où Newton donne l'essentiel de sa théorie. Alors, c'est très intéressant parce que ce texte est construit d'une certaine manière, mais là, c'est pas de ça dont je vais parler, mais c'est une manière très particulière et il a joué un très grand rôle. Les rayons de lumière diffèrent en degré de réfrangibilité comme ils diffèrent par leur disposition à présenter telle ou telle couleur particulière. Les couleurs ne sont pas des qualifications de la lumière dérivées de réfraction ou de réflexion sur des corps naturels, comme on le croit en général, mais des propriétés originelles et innées, différentes suivant les rayons. Quelques rayons sont disposés à présenter une couleur rouge et pas une autre. Certains, une jaune et pas une autre. Certaines vertes et pas une autre. Et de même pour le reste. D'ailleurs, il n'y a pas seulement des rayons particuliers ou spéciaux pour les couleurs les plus remarquables, mais aussi pour toutes leurs gradations intermédiaires. Alors, ce texte est assez bref, mais il résume la pensée de Newton. D'une part, il présente bien les gradations intermédiaires. Donc, il n'y a pas cette couleur, comme on dit, de Newton, c'est cette tonalité principale, il ne faut pas y voir autre chose, et c'est cette tonalité qui correspond à un octave, et c'est parce qu'il veut mettre en place une correspondance musicale que l'on a les fameuses sept couleurs. Bien. Ce qui est important dans ce résultat, c'est qu'il met en place l'idée qu'il y a une biunivocité entre le degré de réfrangibilité, la manière dont la lumière est réfractée, et la sensation de couleur qu'elle provoque chez celui qui regarde. C'est-à-dire qu'on peut associer à un rayon lumineux déterminé un degré de réfraction et une couleur, ce qui permet d'associer un nombre au cheminement de chaque rayon. Et ce qu'il met en place là, et ce qui est le résultat essentiel, c'est ce qu'on appelle nous maintenant des lumières monochromatiques. L'idée de lumière monochromatique est directement issue des travaux de Newton. Et ça, c'est tout à fait important, et c'est un regard totalement nouveau sur les phénomènes de la couleur. Avant, Newton, on pensait, c'est ce qu'il sous-entend dans le texte, que les lumières étaient dues à une modification. Par exemple, la lumière, le rouge, était plus lumineux que le bleu, parce qu'il contenait plus de lumière, et le bleu, plus d'ombre. Pour lui, non. Maintenant, chaque couleur est spécifique. Donc, il voit les phénomènes d'une manière totalement différente de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, et nous sommes tous newtoniens. Si on vous pose une question où on parle du bleu, du rouge, personne, mais absolument personne, ne pensera que ce sont simplement des couleurs plus ou moins lumineuses ou sombres. Chacun pensera que ce sont des couleurs spécifiques correspondant à un degré de réfrangibilité spécifique. Donc nous sommes tous avec des yeux newtoniens. Voilà, c'était la Bibliothèque des Sciences de Michel Blais, que vous pouvez retrouver comme toutes les bibliothèques des sciences, comme toutes les chroniques ainsi que toutes les émissions sur le site franceculture.fr à la page de la méthode scientifique, ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à mes deux invités du jour. Merci Laurent Beg, merci Thibault Le Texier d'être venu nous parler de l'expérience de Stanford. Je vous rappelle et je vous conseille vivement cette histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford de Thibault Le Texier aux éditions La Découverte. C'est une histoire passionnante sur tout ce que nous venons d'évoquer au cours de cette heure. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne, Sarah Higemans, Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Florent Bujon à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est tout de suite le quatrième et dernier épisode de la série documentaire de la semaine de Franck Cuveillé et Rafik Zénine sur le voyage en agnotologie, le pays de la science et de l'ignorance sur la fabrique de l'ignorance. Une série là aussi passionnante. Tout à l'heure, du grain à moudre à 18h20, Hervé Gardette demandera à ses invités s'il y a une moindre tolérance à la corruption. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, ce sera un vendredi science-fiction. Nous parlerons d'Albatros, de Nautilus, de canons géants pour aller sur la Lune. Bref, nous parlerons de la science chez Jules Verne. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.